Sycamore. Salut tout le monde, c'est Spike. Hey, je suis de retour. Bon, vous voulez chanter avec moi cette nouvelle chanson? C'est J'aime ta femme. Oh oui. J'aime ta femme. Oh oui. J'aime ta femme. Oh oui. J'aime ta femme. Oh oui. Ok, j'aime ta femme. Oh, encore oui. Une fois. J'aime ta femme. Oh oui. Ok, j'aime ta femme. Oh oui. J'aime ta femme. Oh oui. Ok, merci, merci tout le monde. Bon, Dolce Vita, c'était de la bombe. Nouvel album de Papa Cisco. Eh, tu veux réécouter? Ben, remets sur une et va jusqu'au bout. Parce que c'est de la tuerie. Ok. Et pile, les gars.